Si pète en la pute, t'es dans sa chérie, y'a de la pâte. Bellec, t'es pas pète à la bille, à la bague. C'est moi le plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sec. Si pète dans la pute, t'es dans sa chérie, y'a de la pâte. Bellec, t'es pas pète à la bille, à la bague. C'est moi le plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sec. J'suis dans le bloc, bloc, y'a pas de coca, que du que cra. En abondance, les junkies dansent, dansent, dansent sur le terrain. Que des flics, flap, flop, bas, les petits boss en bas du pat. Stop, pat, dans le vide, je mets un lock. Clac, clac, sur ses fesses, et moi j'pilote. Guide pas avec ta soeur, c'est délicat. Pac, pac, j'me prends 2-3 pistes, Rika. J'suis trop matrixé, vu que j'la baisse dans les WC. J'écoute Didi Trix et la fémie m'a mis dans ses mix. Quoi, tu veux pour qui? Ta copine a semé tes doigts, v'là la coquine. Y'a quoi? Tu veux pour qui? Ta copine a semé tes doigts, v'là la coquine. Bibi tous les jours, baby faut des sous. Les poches remplies de trous, la hesse me rend fou. J'suis dans la soudap, clap, clap, clap. J'suis dans la soudap, clap, clap, clap. J'suis dans la soudap, clap, clap, clap. J'suis dans la soudap, clap, clap, clap. Dans sa chérie, y'a de la pâte. Bellec, t'es pas pète à la bille, à la bague. C'est moi le plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sec. Si pète dans la pute, t'es dans sa chérie, y'a de la pâte. Bellec, t'es pas pète à la bille, à la bague. C'est moi le plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sec. Baby, tous les jours, baby, faut des sous. Baby, tous les jours, baby, faut des sous. Let's go.